Bonjour. Il est minuit et demi, puis je dors pas. Savez-vous pourquoi? Parce que j'ai des dégâts d'eau à répétition. Savez-vous pourquoi? Je vais vous conter ça. J'ai des dégâts d'eau à répétition parce que j'ai des voisines camerounaises qui sont logées par des agences, puis ils se communiquent pas entre elles. J'avais avisé des locataires de pas se servir de l'eau. Puis, même si en tant que co-responsable du bail, c'était sa responsabilité d'aviser l'autre locataire, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas, elle l'a pas fait. Puis là, je me suis encore ramassé, j'ai des fonds de canne de poisson qui remontent dans mon lavabo. Des affaires de même qu'eux autres, ils mangent, là. C'est pas juste ça, là. J'ai des voisins, des Mexicains, là. Ils boivent de la Corona là, d'en avant de ma porte, puis ils font leur changement d'huile sur le terrain ici, en écoutant de la musique à pleine tête. On se créerait comme, comment ça s'appelle là, la fête là, au Texas, pour les Hispaniques. Ça a été ça une partie de l'été. Ben, en plus, souvent, au niveau les Camerounaises, les Camerounais à date. Ils vident pas leur boîte aux lettres, ça pourrit dedans. Faut que Post-Canada vienne leur expliquer comment ça marche. Ils savent pas se servir des bacs comme il faut. Les bacs à ordures, là, les bacs de triage, ils s'en servent pas comme il faut. Eux autres, le recyclage, ils mettent des vieilles couettes, des vêtements usagés, dans des sacs noirs. Donc, c'est un réel problème parce que moi, mon loyer, il augmente, puis ma qualité de vie a diminué. Mais l'affaire, c'est qu'eux autres, ils ont des subventions, comme les Camerounaises qui viennent des grands centres, qui sont venus ici pour travailler par des agences dans le temps de Dubé, puis ils reçoivent des primes d'éloignement, puis si leur loyer, je soupçonne, c'est subventionné, ça se peut pas. Parce que la propriétaire, elle est a priori ce genre de locataire-là. Mais moi, en attendant, ben, c'est juste des problèmes qui s'accumulent, puis là, d'expliquer, puis on dirait que ça rentre pas. On dirait que ça se rend pas parce que ça fait deux fois là, que j'avais avisé de ne pas se servir de tout le bloc qui est au courant. Mais là, je parle de mon côté, là, où ce qu'il y a tellement que je commence à penser à donner 6 mois de loyer pour m'en aller. Mais le problème, c'est qu'ici en ville, c'est pareil partout. C'est pareil partout parce que tous les propriétaires priorisent ce type de locataire-là. Donc, j'ai pas le choix de faire plus d'argent puis de redevenir propriétaire pour avoir la paix. C'est de même que ça marche. C'est rendu comme ça. Parce que c'est de valeur, mais si je continue à endurer ça, je vais devenir agressif. Jusqu'à un certain point, c'est pas normal. Parce que là, ils font passer des tests de citoyenneté. Au Québec, c'est bien important de comprendre qu'on a des droits, hein, que la femme est égale à l'homme, puis blablabla, mais ils leur expliquent même pas comment fonctionne une boîte aux lettres. Ils leur expliquent pas la base. Puis c'est à nous autres de. Mais moi j'ai essayé, puis ça rentre pas, ça se rend pas. On dirait que c'est comme si je parlais un autre langage, comme les Mexicains, ça, ils parlent ni anglais ni français. Puis là j'appelle la police, puis je leur dis. Ils boivent de la bière, puis ils s'assoient dans un véhicule en marche, ils rentrent, ils sortent, ils font des changements d'huile sur le terrible. Oh, c'est à voir avec la propriétaire, blablabla. Je vais vous être franc avec vous autres, il y a une trentaine d'années, s'il y avait eu la sûreté municipale, ils seraient venus immédiatement. Ils seraient venus immédiatement. Mais, dans le même temps qu'il y avait eu les fusions, puis ces affaires-là, ils ont défait les sûretés municipales, à part pour les très grandes villes. Puis là, on a la Sûreté du Québec, qui est une police. C'est du monde qui vient de l'extérieur, qui ne connaissent pas la région, souvent. Ils se foutent un peu de la réputation qu'ils ont parce qu'après 4 ans, ils peuvent demander un transfert ou peu importe, là. Mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Là, on a un virage à droite de Legault. Legault, c'est un gouvernement de gauchistes. C'est du monde de gauche. Il n'y en a pas de droite. Il n'y en a pas au Québec. Il n'y en a plus. Ça fait très longtemps. Parce que moi, la vraie droite, c'est celle du respect de la propriété privée, la libre entreprise, entre autres. La vraie, là, pas pas celle qu'on vous vend dans les médias, là, qui n'est pas fine puis qui n'est pas correcte. Comme Trump, c'est pas de la droite, ça. Pas la vraie. C'est pas des gens conservateurs, ça. Quelqu'un de conservateur ne ferait pas ce qu'il est en train de faire. Donc, moi, je suis pour la diversité jusqu'à un certain point. Je suis pour l'intégration jusqu'à un certain point. La limite de cette intégration-là, c'est la capacité d'intégration. Parce que là, on nous fait venir des gens, mais c'est nous autres qui va être blâmés s'il y a des problèmes au niveau de leur intégration à eux autres. Puis bien franchement, je commence à en avoir plein le cul de ramasser la marde des voisins dans mes lavabos. Parce qu'ils ne savent pas que ben, c'est pas une poubelle. Il n'y a pas de broyeur dans le drain. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, ça me fatigue. Ça fait des semaines que ça dure. Trouver un plombier, ouais, j'ai passé à ça de dire à la propriétaire, je vais le payer. Je vais le payer. Mais bien franchement, je commence à penser que ça, c'est juste par l'exaspération. L'exaspération. Donc, c'est pas parce que je suis pas fin, je pense pas, là. Au prix que je paye, il me semble que j'aurais droit à avoir une occupation normale des lieux telle que stipulée par la réglementation. Me semble. Ben non. Ben non. Vous nous faites rentrer plein de monde, j'ai pas de problème avec ça. Mais oubliez pas qu'ils viennent d'ailleurs. Éduquez les dons. Hein? Au lieu de mettre l'argent, payer des primes d'éloignement, puis à subventionner des loyers, mettez-les donc à les responsabiliser pour qu'ils viennent à bout de fonctionner comme n'importe qui aurait un salaire moyen. Parce que je rappelle qu'au Québec, un journalier moyen gagne à peu près 55 $ par jour. Mais ils font plus que ça, eux autres-là. Là. Puis, ils ont tous des chars de location de l'année. Ils montent des crédits, ils se montent des dettes, ils s'endettent. Ils achètent des maisons qu'ils ne pourront jamais payer à long terme. À moyen terme, à court terme, ils viennent à bout. Mais à un moment donné, ça ne marche pas. Là. Parce que les subventions, ben, à un moment donné, c'est pour les premières années. C'est pour les aider au début. Au début, c'est pas là tout le temps. Mais là, ça devient un réel problème. Ça devient un réel problème. Parce que la locataire n'ait pas avisé l'autre locataire, il y a un problème, là. On a affaire à du monde qui ont. Ils comprennent pas, là. Ils signent un bail puis ils comprennent pas que c'est un contrat. Ils comprennent pas leur notion de responsabilité. J'ai l'impression que c'est comme des enfants. Je dis pas ça d'une façon méprisante ou méchante, là. Mais il faut tout le temps s'assurer, être sûr à 100% qu'ils ont bien compris. Puis il faut détailler d'une façon exhaustive tout. Tout. C'est pire que des enfants. Pire que des enfants. Parce qu'un enfant va avoir une capacité d'initiative, il va être capable de faire des déductions par lui-même. C'est vraiment tannant, c'est vraiment fatigant. Le racisme va monter au Québec. Puis c'est pas les immigrants ni les Québécois qui sont responsables de ça. C'est les sans-dessin qui nous gouvernent. Puis après, quand ça sort de prétexte pour un sans-dessin comme Trump qui renvoie du monde, qui ont fait l'effort de s'adapter puis de s'intégrer, c'est encore plus con. C'est encore plus con. Moi, comme je vous dis, j'ai rien contre l'immigration, mais elle peut pas être massive. Il y a de quoi qui marche pas, là. Quand j'étais enfant, on était 7 millions de Québécois. Les dépanneurs étaient ouverts 24 heures, puis il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre. Là, on est rendu, je pense, on dépasse 9 millions. Pénurie de main-d'œuvre partout. Hein? Ils sont rendus où le monde? Ils sont où le monde? Y a-t-il du. Est-ce que le gouvernement les mange, coudonc? Parce que là, au niveau de la démographie, là, c'est à se demander est-ce que le gouvernement mange les Québécois? Vous faites quoi avec? Vous les égorgez en cachette, puis vous les cachez les corps, vous faites des soleils verts pour plus tard, c'est quoi, là? Il y a de quoi qui. Il y a plein d'affaires comme ça, ça ne fonctionne pas, là. Moi, c'est parce qu'à un moment donné, je vais perdre patience. Parce que les propriétaires s'en lavent les mains, ils ne font pas la communication. Moi, je ne suis pas toujours très diplomate. Surtout quand je viens exaspéré parce qu'on dirait que ça ne se rend pas. On dirait que l'information ne se rend pas. C'est comme si le cerveau n'était pas capable de décrypter l'information. C'est comme si ça bloquait. Ça ne se rend pas. Puis ce que je vous dis là, c'est par rapport à mon pas, par rapport à mon opinion, c'est mon expérience. Mon expérience. Vous pouvez répéter la même affaire 10 fois. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de nous autres. C'est pour ça que j'ai pris soin de ma mère jusqu'à la fin. Pour pas que ce monde-là y touche. Elle voulait pas de toute façon. Ben, peut-être que ça va nous aider à nous recentrer sur nous. Hein? Un communautarisme intelligent.